bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozos en 7FM. Aujourd'hui, une nouvelle qui est écrite par Jérôme Leroy, parue aux éditions L'Archipel, sous le titre de « Dernière nouvelle de l'enfer ». Jérôme Leroy est né à Rouen en 1964. Il reçoit de nombreux prix, dont le prix de l'Académie française pour son recueil de poésie en 2010, sous le titre de « Un dernier vers en Atlantide ». Voilà, voilà. Donc, vu le titre, hein, « Les dernières nouvelles de l'enfer », je vais vous en lire quelques-unes. Et, oh là là là là, on verra bien. Je commence. C'est mort et ça ne sait pas. Elle est dédiée aux autres. Voilà, docteur, la raison de ma visite. Je crois bien que je suis victime d'hallucinations. C'est-à-dire ? Eh bien, figurez-vous que j'habite depuis quelques années sur une île dans le golfe du Morbihan. Oh, pas très grande. J'y ai pris ma retraite dans une jolie maison à l'écart du village et du port de pêche. Une maison qui a été construite au siècle dernier par un riche marchand de vannes. Il a été assassiné avec toute sa famille juste après la guerre de 14. Lui, sa femme, sa belle-mère et leurs 4 enfants. On n'a jamais trouvé le coupable. Sans doute un pêcheur du village qui trouvait la vie trop dure et qui a jalousé ses riches estivants. Une forte somme d'argent a été dérobée, paraît-il, d'après les journaux de l'époque. Évidemment, personne n'a voulu racheter la maison. Surtout en Bretagne, où ils sont encore plus superstitieux qu'ailleurs. Bref, quand je l'ai achetée en 2010, cela faisait plus de 90 ans qu'elle était inoccupée. Je l'ai eue pour une bouchée de pain. Vous savez, je me suis dit, ce sera bien pour ma retraite. Je vis seule, mais j'aime mes aises. Mais voilà que, depuis 3 mois environ, j'ai l'impression de dérailler. Vous pouvez préciser ? Je ne sais pas si c'est l'âge, mais... Mais quoi ? J'entends des rires, des soupirs, des cris. Je vais dans les pièces d'où je crois que ça provient. Mais rien, rien du tout. Vous savez, je ne suis pas idiot. Je sais bien que c'est moi qui ne vais pas bien. Je ne crois pas à toutes ces superstitions villageoises, ni que je sois tombée dans un film d'épouvante avec maison hantée. Ce que je vous demande, en fait, docteur, c'est de me donner quelques médicaments, des calmants ou des anti-anxiolytiques, et éventuellement de me prescrire une IRM. Si vous voulez. Mais dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui déraillez, comme vous dites ? Il se pourrait que ce soit vrai. Je veux dire qu'il y ait vraiment quelque chose dans votre maison. Mais vous voulez rire, docteur ? Vous, un scientifique ? Excusez-moi, mais vous parlez comme les ivrognes du village qui me demandent comment ça va avec mes fantômes quand je vais boire un verre au bistrot. Je suis très étonnée, vraiment. Et les Divelec ? Comment vous connaissez les Divelec, docteur ? Ce n'est pas la question. Parlez-moi des Divelec. Vous avez vu ça dans mon dossier médical. Je ne croyais pas en avoir parlé pourtant. Alors, les Divelec, c'est un couple qui m'aide à entretenir ma grande baraque. Je ne suis plus de la première jeunesse, vous savez. Lui s'occupe du jardin des peintures, parce qu'avec les embruns, il faut repeindre chaque année. Et elle se charge de la cuisine et de mon linge. Vous dites que vous n'êtes pas de première jeunesse, mais eux non plus. Oui, je vois bien, ils ont chacun leurs 75 ans bien sonnés, mais ils ont encore bon pied, bon œil, vous savez. Il n'y a pas de pollution sur l'île et l'air de la mer. Ça conserve. Quel âge avez-vous dit ? Lady Vélec ? 75. Peut-être un peu plus. Mais je ne vois pas le rapport avec moi et mes hallucinations. Et si je vous disais qu'ils en ont le double ? 150 ? 154 et 155 pour être précis. Docteur, soyez sérieux, je ne me sens pas bien, vous savez. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est illisible ? Forcez-vous un peu. Ce sont les actes de naissance des Divelec. 1856 et 1857. Mais c'est impossible. Ils devraient être morts. Ils le sont. Mais je les vois tous les jours. Ils... Et alors, puisque je vous dis qu'ils sont morts, vous voulez dire que ce sont des fantômes ? Oui. Docteur, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi par pitié. Et en admettant que ce soit vrai, ce ne sont pas eux qui provoquent tous ces bruits, ces claquements de portes. Ce ne sont pas eux qui poussent ces cris horribles. Ah non, non, ça c'est la famille qui habitait la maison et qui a été assassinée en 1914. Docteur, maintenant ça suffit. Je ne suis pas venue pour entendre des délires de ce genre. Je... Désolée de vous interrompre, mais pourquoi êtes-vous venue ? Je vous l'ai dit, j'ai des hallucinations. Allons, allons, regardez bien en vous-même. Vous ne vous rappelez pas ? Je ne sais plus. Faites un effort, vous y êtes presque. Ne pleurez pas, c'est inutile. Oh non, c'est affreux. Je me souviens, je suis... Oh, enfin, moi aussi, je suis... Dites le mot, allez, il faut que vous le disiez pour aller mieux. Je suis mort. C'est ça, docteur, je suis mort. Et ça fait au moins la quatrième fois. Oui, la quatrième fois que vous venez ici. Ceux qui habitent votre ancienne maison dans l'île sont furieux de vous voir réapparaître sans arrêt. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. C'est une épidémie. Un peu partout, depuis quelques années, des fantômes apparaissent et hantent des maisons, des gares et même des hôpitaux. Le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient morts. Ils sont persuadés d'être vivants et ils vont même jusqu'à se plaindre d'autres fantômes qui les persécuteraient. C'est pour cela qu'on a créé des services de psychiatrie pour revenants. Comme celui-ci, votre cas est un peu plus sérieux que celui du fantôme ordinaire. Je ne vous le cache pas. Vous allez jusqu'à nier l'existence même des autres fantômes. Et chaque fois, il faut recommencer la thérapie. Vous comprenez, ce qui serait bien, c'est que vous cessiez de refouler le fait que vous êtes mort et que vous vous souveniez de cette séance. Vous pourriez enfin connaître la paix et la sérénité. Vous vous feriez discret pour ne pas gêner les vivants. Vous pourriez même rester avec les Divelec dans votre villa du Morbihan. Mais il faudra apprendre à coexister avec les vivants, avec les nouveaux propriétaires. Vous comprenez ? Oui, je crois, docteur. Mais c'est tellement dur d'admettre la vérité, tellement cruel. Je sais, cher monsieur, je sais, mais je suis là pour vous aider. Merci, docteur. Le psychiatre soupira. Un patient pas facile, ce vieux monsieur. Enfin, il fallait faire avec. Le gouvernement avait une politique sanitaire très ferme depuis que tous ces fantômes avaient commencé à sévir en oubliant qu'ils étaient des fantômes. C'était devenu une priorité de santé publique, avec une riposte aussi rigoureuse que pour contrer une grippe porcine ou aviaire. Il se leva et alla voir son chef de service. Voilà le dossier du vieux Breton. Merci. Bon, je rentre chez moi, je suis crevée. Allez-y, vous avez bien bossé. Une fois le psychiatre parti, le chef de service décrocha son téléphone. « Allô ? Oui, ça va, merci. Bien sûr qu'il fait du bon boulot. Mais qui va lui dire que lui aussi, il est mort ?» Eh oui, évidemment. Évidemment, le titre était bien choisi. Hein. C'est mort et ça ne sait rien, n'est-ce pas? Bon, alors, ma foi, je vous ai trouvé une musique des Rolling Stones. Time is on my side. Eh bien, voilà, voilà. À tout bientôt.